tous les Normands sont des baiseurs de vaches. C'est bien connu, tous les Bretons sont des alcooliques. C'est inscrit dans leur gène, nos Arabes, qu'ils seront dealers de haches. Bah ouais. Les Corses sont tous des poseurs de pain, de plastique, évidemment. Non, je l'ai pas inventé ce matin. Tout cela, je l'affirme en m'appuyant sur les travaux sérieux des supporters du Paris Saint-Germain. Ils sont tous anthropologues ou sociologues de haut niveau. Tiennent leurs conférences dans des stades, ces petits supporters géniaux. Les Auvergnats, accrochus. Les habitants du Pays Basque sont velus, poil au cul. Les Lorrains, ce ne sont pas des Français, ce sont nos cousins germains. Les gens du Sud font la sieste du soir au matin. Mais évidemment, je l'ai pas inventé ce matin. Tout cela, je l'affirme en m'appuyant sur les propos sérieux des supporters du Paris Saint-Germain. Bah oui, ils sont tous anthropologues ou sociologues, mais de haut niveau. Tiennent leurs conférences dans des stades, devant un public de fous. Supporters de Paris, de Metz ou bien d'ailleurs, je te sens plein de haine, de colère et de peur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, un peu comme une lueur d'espoir pour ton cœur aride et incertain. Un rayon de soleil dans ton pâle quotidien. Oui, peut-être es-tu mon fils, mais sache, mon gamin, que tu n'es sûrement pas un bâtard consanguin. Car j'ai baisé ta mère, mais elle n'est pas ma sœur.